Alors, nous sommes à Louhans le lundi 23 juillet 2018. On va aller enregistrer le marché aux oiseaux et aux volailles. Le coq, t'as vu comme il est beau? Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ah oui, il y a des nouvelles. Tu vas dans des garages, t'as des bagnoles. Les perruches, elles seront 10 euros. Combien? 10. 10 euros. Mâle ou femelle? Non, non, non, on ne va pas vous prendre aujourd'hui parce qu'on en a au moins 4-5. Et de temps en temps, bon, il y en a une couleur. Voilà, ça fait ça. sera bien. Bon, tu veux ça? C'est qu'elle est la même. Et quand on Pascal, elle est la même. Il y a un galimiton. On met le pouce au vent.